l'agonie, livre 3, chapitre 18. Des jours s'épuisèrent ensuite d'heures lourdes. Dans cette Rome qui avait pris un bain de sang, avec Elagabalus toujours à la vieille espérance, Mamméa toujours au palais des Césars. Encore les orgies mâles, les voluptés de la pierre noire s'épointèrent sinistrement sous ce ciel latin, désormais rouge, qui refléta tout le sang des carnages passés. Lamentable, la ville éternelle, la cité maintenant obscurcie par l'ombre gigantesque du cône noir vainqueur, s'affala, gémissante et épouvantée, écoutant son tibre qui pleurait sans cesser les cadavres emportés, cherchant un jour qui la pût éclairer dans sa nuit. À tous ces horizons, la face d'Elagabalus se dressa, vivante et resplendissante des gemmes de sa tiara et des joyaux de son col. Et sa robe pourpre, très longue, ses pieds chaussés de soie et d'or, foulant du safran pulvérisé, son sexe énorme, les nudités de son corps, lui émergèrent partout, avec des apothéoses de danseuses, d'hommes de joie qui le violaient, de prêtres du soleil au mouvement de croupes toujours balançant. Hiéroclès, Zoticus, Murissimus, Gordius, Protogenès, tous ces familiers, hauts comme des arcs triomphaux, s'étalèrent insolemment dans ses voies, ne se rassasiant pas du cône noir, couvrant abominablement Elagabalus devant des faces de Romains qui n'osaient s'irriter. Et ce n'était plus maintenant, dans les imaginations broyées, qu'un amoncellement ignominieux de cuisses d'hommes et de croupes d'hommes avec des sexes toujours brandis. Mais encore la révolte convulsa Rome. Un matin de mars, le Tibre redevenant d'un jaune topaze, les monuments se faisant blancs, la campagne s'adornant, claire, les eaux susurrantes, avec presque pas de nuages au ciel, où disparaissait une énorme lune que le ciel devait revoir. Et la ville revit la descente du camp des prétoriens, le hérissement des piques et des javelots, la trouée aiguë des glaives, l'étincellement des casques et des cuirasses, l'échappée éperdue des bêtes que des soldats tuèrent à coups de flèche, et le retentissant écoulement de la cavalerie, dont les turmes assauvagies voltèrent haut dans l'atmosphère bleutée, sur le sol trépidant, avec des cris à nouveau de mort. Mais elle-même, Rome, ne remua pas, laissa faire, absolument brisée de ces deux séditions. Et ce ne fut plus qu'un combat entre les parties qui tenaient l'armée, entre Elagabalus et Mamméa, toujours pour son fils, à l'empire acharné. Et cette dernière et définitive convulsion arracha Madé à la maison des Carènes, et avec Madé, Amon et Gaël. La franchise était rétablie, soignée par Attilia et l'Égyptien. Des jours s'étaient rapidement écoulés. Gangus et Lixio, tués à la vieille espérance, Gaël, échappé à sa blessure, grâce à Cordula, accourut vers Madé. Et avec Amon, qu'Attilia voulut près de lui, ne cessa de le choyer, de le berceauter de choses exquises, de souvenirs du pays syrien où leur enfance coula, comme une eau discrète, entre des rives bordées de végétations criblées d'or. Et quand ses forces revenues le permirent, ils lui firent des amusements d'enfant gâté, des causeries très bonnes ourlées des voix attendries de Cordula et d'Attilia. La courtisane ne répugnant pas à la patricienne, celle-ci n'ayant pas honte de celle-là. Des rires émus de Gaël et d'Amon, qui déjà projetaient de retourner à Emmaüs pour y vivre calmément. Elle, Attilia, servie par Cordula et Abara. Amon et Gaël, toujours au service de Madé, à qui il promettait des jours d'heures tendres et de quiétude. Le convalescent souriait faiblement, revenait peu à peu aux choses extérieures, avec, pour Attilia, une espèce d'amour qui n'avait rien de charnel, qui était très pur, un oubli de ce qu'il fut pour Attilius et de ce qu'elle fut pour les hommes inconnus des Lupanars. Et déjà, pour chacun, la vie rosoyait d'avenirs adorables. Le monde ne leur paraissait plus si noir, et la tige de l'humanité si pourrie. L'Empire leur devenait indifférent. Une annihilation de tous s'effaçait au profit d'une intimité croissante qui leur dressait des perspectives sans fin. Quelquefois, ils parlaient de Zal et de Sévéra, et des pleurs intérieurs noyaient leur voix. Et le nom de Christos revenait dans leur conversation, flottait dans le soleil dont la retombée d'or traversait l'appartement de Madé, l'appartement d'Attilius où Attilia avait voulu que Madé demeurât. Alors Amon, Attilia, Cordula et même Abara parlaient de recevoir les eaux. Gaël souriait, Madé revoyait l'assemblée de la Transtévérine où il se refusa à la joie charnelle des sectateurs du Christos oriental. Et celle du vieux temple latin de la voix Ardeatina qui le vit se sacrifier à eux. Et il n'était pas jusqu'à Skebaus, admis dans leur intimité, qui ne parlât aussi de Christos. Lui aussi désirait retourner, non en Syrie, mais en Cilicie, où il continuerait à vendre du porc salé et à raconter d'extraordinaires histoires que ses années vécues à Rome devaient rendre plus extraordinaires encore.